les plus belles places de l'Église. Ainsi, l'idée d'évêché était pour la première fois mêlée avec celle de Julien dans la tête d'une femme qui, tôt ou tard, devait distribuer les plus belles places de l'Église de France. Cet avantage n'eût guère touché Julien. En cet instant, sa pensée ne s'élevait à rien d'étranger à son malheur actuel. « Ce jour-là, j'ai un travail forcé, » se dit-il en rentrant et avec une vivacité que depuis longtemps il ne connaissait plus. « Espérons que la seconde lettre sera aussi ennuyeuse que la première. » Le monologue que nous venons d'abréger fut répété pendant 15 jours de suite. S'endormir en transcrivant une sorte de commentaire de l'Apocalypse, le lendemain aller porter une lettre d'un air mélancolique, remettre le cheval à l'écurie avec l'espérance d'apercevoir la robe de Mathilde, travailler, tels étaient les événements monotones de la vie de Julien. Un matin, on remit une lettre à Julien. Il reconnut les armes de Madame de Fervaques et brisa le cachet avec un empressement qui lui eût semblé bien impossible quelques jours auparavant. Ce n'était qu'une invitation à dîner. Le salon était de la plus haute magnificence, doré comme la galerie de Diane aux Tuileries, avec des tableaux à l'huile au lambris. Il y avait des taches claires dans ces tableaux. Julien apprit plus tard que les sujets avaient semblé peu décents à la maîtresse du logis qui avait fait corriger les tableaux. « Siècle moral !» pensa-t-il. Dans ce salon, il remarqua trois des personnages qui avaient assisté à la rédaction de la note secrète. L'un d'eux, Monseigneur l'évêque, oncle de la maréchale, avait la feuille des bénéfices et, disait-on, ne savait rien refuser à sa nièce. « Quel pas immense j'ai fait !» se dit Julien en souriant avec mélancolie. « Et combien il m'est indifférent !»